الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فإن الإسلام قد اعتنى عناية بالغة بحقوق الجار والجار في الإسلام كل من جاورك المسلم وغير المسلم ذو الرحم وغيره البر والفاجر هذا جارك في ديننا وحق الجار في الإسلام حق عظيم فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قرن بين حقه الأعظم الذي هو توحيده وإفراده بالعبادة وحق الجار فقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنب الآية ومن قرأ سنة نبينا عليه الصلاة والسلام تبين له كيف عظم من حق الجار وبين أنواعها وأنذر من تضييع حقها أو من تضييع حقه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يوصيني بالجار إحسانا وحماية حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري وحقوق الجار أيها المؤمنون كثيرة من أعظمها وأهمها كف الأذى عن الجار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وعنه أيضا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها هي من أهل النار هي من أهل النار ثم قيل له عليه الصلاة والسلام إن فلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال هي من أهل الجنة فإيانا وإياكم وأذية الجيران وبعض الناس عياذا بالله لا يستحيون من الله ولا يستحيون من ملائكة الله ولا من عباد الرحمن ولا من عباد الله فيدخلون في بيوت جيرانهم لأجل السرقة أو انتهاك أعراضهم مع المحارم والعياذ بالله عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فقالوا حرام حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا يسرق من عشر أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. أخرجه البخاري في الأدب المفرد رحمه الله تعالى. وهذا كان مذموما حتى قبل الإسلام عند أهل الجاهلية مع ضلالهم المعروف. يقول عنترة وأغض إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وأبو هريرة رضي الله عنه يذكر لنا قصة فيها دروس وعبر. قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني. فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فقالوا لعنه الله وأخزاه الله. فبلغه أي الجار الذي ظلم جاره فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. وفي رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لقيت من الناس؟ قال يلعنونني. فقال صلى الله عليه وسلم إن لعنة الله فوق لعنتهم فوق لعنتهم. وأذية الجار له صور عديدة منها الحسد والبغي والغيبة والنميمة والظلم وظلم أولادهم إلى غير ذلك. والمضايقة كان يوقف سيارته أمام بابه ويصد الطريق أو يرمي القمامة أمام بيته أو يرفع صوته ولو كان بتلاوة القرآن. لا تؤذي جارك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن حقه أيضا حمايته والدفاع عنه إذا ما حل عليه اعتداء في بدنه في عرضه أو في ماله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخذله، أي لا تنصر أخاك وهو بحاجة إليك وأنت قادر على ذلك. هذا ليس من أدب المسلم. ومن شيم العرب أنهم إذا كان لهم جيران يحمونهم. يقول عنترة وإني لأحمي الجار عن كل مذلة وأفرح بالضيف المقيم أو أبهج. بل إن بعضهم كان إذا جاءهم لا أقول إنسان بل حيوان يحمونهم ويعتبرون ذلك من حق الجار، كما فعل أحدهم لما أراد جيرانه أن يصطادوا بعد الجراد. وهكذا في قصة أخرى مع الغزالة. ومن حق الجار عليك أن تحسن إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره بما تستطيع. تهنئه إذا فرح وتعزيه إذا حزن وتوصيه بما تقدر من المال والجاه وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. فعلينا يا عباد الله أن نتخلق بأخلاق الإسلام وأن نقوم بحق الجار. ومن أعظم هذه الحقوق أن تصبر على أذية جيرانك أن تتحمل الأذية هذا أو هذه من أجمل صور الجراء أو الجوار. وأسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى كل خير. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Sachez que l'islam nous enjoint la bienfaisance envers les voisins, envers le voisin de nous acquitter de nos devoirs. Et le voisin en islam est toute personne qui réside dans ton voisinage, qu'il soit musulman ou non, qu'il ait la même langue que toi ou non, qu'il fasse partie de ta famille ou non, qu'il soit pieux ou pervers, tous ces gens-là sont tes voisins. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de t'acquitter de tes devoirs envers tes voisins. Ce droit, le droit du voisin, est tellement important qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité à côté de son droit le plus immense, le fait de l'adorer seul d'un culte sincère. Dans sourate An-Nisa, il nous dit, selon la traduction approximative des sens de ce verset, qu'on appelle le verset des 10 grandes recommandations, des 10 grands droits, et adorez Allah et ne lui associez rien, et on vous enjoint la bienfaisance envers vos parents, envers vos proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin et celui qui est lointain. Jusqu'à la fin du verset, si Allah Azza wa Jal nous cite les droits du voisin, qu'il soit un proche parent ou non, qu'il soit près de toi ou non, et il cite cela à côté de son droit le plus immense. Ainsi on voit et on comprend l'importance du droit du voisin en islam. Et celui qui lit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra de très nombreux récits nous détaillant quels sont ses droits, quels sont les droits du voisin sur nous. Aussi, il nous montre l'importance et nous met en garde contre le fait de ne pas nous acquitter de nos devoirs envers nos voisins. Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jibril n'a cessé de me faire des recommandations envers le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal, ou plutôt Jibril alayhi salam, n'a cessé de faire des recommandations au prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le voisin jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pensé qu'Allah allait lui ordonner de lui transmettre le droit à l'héritage. Qu'Allah allait ordonner à Jibril alayhi salam de transmettre et d'informer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que désormais le voisin aura une part de l'héritage. Aura une part de l'héritage. Ce hadith est suffisant pour nous montrer l'importance de ce droit et la place que ce droit doit avoir auprès de chacun d'entre nous. Et les droits des voisins sont multiples et nombreux. On les trouve dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais les principaux sont, premièrement, le fait de ne pas nuire aux voisins. Le fait de retenir toute nuisance, de ne pas toucher le voisin par quelque nuisance. Abu Huraira nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Celui qui respecte cette parole prophétique aura démontré la véracité de sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala et au retour vers l'au-delà. Il fut dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam que telle femme prie la nuit, jeûne le jour, elle dépense des eaux, elle donne des aumônes, et elle fait, mais elle nuit à ses voisins avec sa langue. Elle nuit, elle fait du mal à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la khayra fiha, il n'y a aucun bien en elle. Elle fait partie des gens de l'enfer. Il n'y a aucun bien en elle, elle fait partie des gens de l'enfer. Alors qu'elle prie la nuit, elle jeûne le jour, des actions recommandées, elle les met en pratique. Mais elle n'a pas accordé d'importance à ce droit, le droit du voisin. Elle nuit à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a aucun bien en elle, elle fait partie des gens du feu. Puis on lui a dit, ou on lui dit, ô messager d'Allah, une telle prie que les prières obligatoires. Elle dépense peu. Elle dépense peu, elle se contente de ses obligations et elle fait un peu plus. Et elle ne nuit à personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle fait partie des habitantes du paradis. Elle fait partie des gens du paradis. Et certaines personnes qui ont un grand manque de pudeur envers Allah, envers ses anges qui inscrivent les actions et envers les serviteurs d'Allah, se permettent, et cela depuis leur plus jeune âge, d'entrer chez leurs voisins pour voler leurs voisins, ou d'entrer chez leurs voisins et essayer de pervertir les femmes du voisin. Iyadan billah, ceci était connu comme étant une perversion même avant l'islam chez les gens de la jahiliya, car ils accordaient de l'importance au voisinage. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a questionné ses compagnons au sujet de la fornication. Au sujet de la fornication, ils ont dit, c'est interdit. Allah et son messager l'ont interdit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne commette l'adultère ou la fornication avec 10 femmes est moins grave que de commettre l'adultère ou la fornication avec la femme du voisin. Puis il leur a demandé, que dites-vous sur le vol? Ils ont dit, c'est haram, c'est interdit. Allah et son messager l'ont interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que la personne vole dans 10 maisons est moins grave que le fait de voler chez son voisin. Car ils lui ont donné le droit du voisin, ils ont été bienfaisants envers lui, ils l'ont accueilli, ils l'ont nourri, ils lui ont offert des cadeaux, et lui en retour, il rentre chez eux, il vole et il nuit et pervertit les femmes qui sont sous le toit de son voisin. Et même dans la période anti-islamique, c'était commis comme étant un défaut. Abu Hurayrata radiallahu anhu nous dit, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette histoire remplie de leçons bénéfiques. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô messager d'Allah, mon voisin me fait du mal, il me dérange. Mon voisin me nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, rentre chez toi et sors tes affaires sur la rue. Rentre chez toi, prends les affaires qui sont chez toi, na'am, tes biens qui sont chez toi et sors-les. Et mêlé sur la rue. Alors l'homme s'est exécuté. Puis les gens se sont réunis autour de lui et lui ont dit, que t'arrive-t-il? Il a dit, mon voisin me fait du mal. Alors ils ont dit, qu'Allah le maudisse, qu'Allah l'humilie. Ils ont fait des doigts contre lui. Toute personne qui passait lui demandait, que fais-tu dans la rue avec tes affaires? Il répondit, mon voisin me fait du mal. Il répondait, mon voisin me fait du mal. Alors les gens faisaient doigts contre lui. Il le maudissait et il demandait à Allah de l'humilier. Lorsque cela est parvenu aux oreilles du voisin fautif, il a accouru vers lui. Et il lui a dit, rentre chez toi et rentre tes affaires. Par Allah, je ne te ferai plus aucun mal. Il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu donc rencontré de la part des gens? Il a répondu, ils me maudissent au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la malédiction d'Allah sur toi est encore plus grande que celle-ci. Allah azza wa jalla te maudit encore plus. Regardez la dangerosité de nuire à ses voisins et la gravité de s'adonner à cela. Et la nuisance du voisin peut se manifester de plusieurs sortes. Par exemple, la jalousie. Certaines personnes observe les bienfaits par lesquels Allah a comblé le voisin et sa famille, par exemple par un enfant pieux, par un enfant qui mémorise le Coran, par un enfant intelligent qui obtient des diplômes dans le dîn et dans le dunya, ou par des enfants en bonne santé, ou par des enfants beaux, et ainsi de suite, ou par la richesse, ou par la noblesse, ou par le nom de famille, alors ils se mettent à les envier. Ils tombent dans la jalousie, et ceci entraîne un autre péché, qui entraînera un autre péché. Ils parlent sur eux en mal, ils commettent la médisance, puis le colportage, et la nuisance, l'injustice. Parmi les formes de nuisance, il y a également le fait de nuire aux enfants du voisin. Le fait de les agresser, de les frapper, de leur nuire, et ainsi de suite. Parmi les formes de nuisance, il y a la gêne. Le fait d'occasionner la gêne pour le voisin. Comment cela peut-il se produire? Par exemple, tu mets ta voiture devant sa porte et tu gênes l'accès à son domicile. Par exemple, tu mets tes ordures devant sa porte, tu lui nuis par cela ou par les odeurs, tout cela entre dans la gêne interdite. Parmi les formes de nuisance, le fait de faire du bruit, que ce soit tard ou que ce soit tôt le matin, en faisant des travaux ou même des choses bénéfiques, plus encore, même en lisant le Coran, tu n'as pas le droit de lire, de nuire à ton voisin en élevant ta voix de par la lecture du Coran. Que dire alors de ceux qui nuisent à leurs voisins en écoutant des choses haram, comme la musique, en écoutant des choses haram, naam, ils élèvent ou ils montent le son de leur radio et nuisent à leurs voisins en chantant ou en écoutant ces choses de majanin, iyadan billah, occasionner de la gêne pour notre voisinage, ceci est proscrit dans notre religion. Ne nuis pas à ton voisin en dévoilant les choses qu'il y a dans son foyer, si tu les as entendues, ou lorsqu'il t'a invité, si tu as pu voir une chose chez lui, ne la répète pas. Ne la répète pas. Parmi les droits de ton voisin, le fait de préserver son honneur et de garder auprès de toi ce que tu as vu ou ce que tu as entendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne nuise pas à son voisin. Où sont ceux qui entrent chez leur voisin, puis s'en vont en répétant tout ce qu'ils ont vu? Certains répètent même ce qu'ils ont vu dans la salle de bain en allant se laver les mains. Certains même décrivent les parfums qu'ils ont vus, que ce soit les parfums de l'homme ou les parfums de la femme. Ton voisin t'a honoré de par cette invitation. Ta voisine t'a honoré de par cette invitation. Et tu n'as trouvé de récompense que le fait de lui nuire et de répéter ce qui se trouvait dans son foyer. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parmi les droits du voisin sur son voisin, le fait de le protéger, le fait de le défendre lorsqu'il est touché par un mal, que ce soit dans sa personne, dans son argent ou son honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le musulman est le frère du musulman, il ne l'abandonne pas. C'est-à-dire lorsqu'il se retrouve dans un besoin, tu viens le défendre et tu ne l'abandonnes pas alors que tu as la capacité de l'aider. Et ceci faisait partie des qualités des Arabes avant même l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Antara nous dit dans son vers de poésie, wa inni la ahmi al-jara an kulli madhallatin. Et certes, je protège mon voisin de toute chose pouvant entraîner son humiliation. Ainsi était-il. Certains préservaient tellement le droit du voisinage qu'ils accordaient même l'asile aux animaux. Un de ces hommes, parmi les anciens, a vu plusieurs sauterelles derrière sa maison. Il leur a donné le droit du voisinage et a interdit à ses voisins de chasser, de prendre et de capturer ou de chasser les sauterelles, jusqu'à ce qu'elle parte devant chez lui. Un autre homme a fait la même chose pour une gazelle et c'est ainsi qu'ils étaient. Que dire alors du comportement envers leurs voisins parmi les humains? Et Abu Huraira, radiallahu anhu, nous transmet un hadith qui nous montre un autre droit de ton voisin qui est la bienfaisance envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il soit bienfaisant envers son voisin, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. De quelle manière? Tu le félicites lorsqu'il a un heureux événement, comme une naissance, comme un emploi ou un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Tu lui présentes tes condoléances lorsqu'il a un décès. Tu te montres présent lorsqu'il a une tristesse. Tu dépenses de ce que tu possèdes lorsqu'il se retrouve dans le besoin. Tu lui offres des cadeaux et ne néglige rien du bien. Ne néglige rien du bien à un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui est le plus en droit à ta bienfaisance parmi tes voisins, il dit cela à Aisha radiallahu anha, est le voisin le plus proche de ta porte. Et aussi il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le croyant celui qui mange jusqu'à satiété, celui qui se rassasie, qui mange pleinement alors que son voisin est affamé. Alors que son voisin est affamé, tu dois t'enquérir de la situation de tes voisins et savoir qui est dans le besoin afin de les aider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 3 recommandations à Abu Dharr et parmi celles-ci, il lui dit, regarde chez tes voisins et fais-leur parvenir de tes bienfaits. Fais-leur parvenir de tes bienfaits. Et lorsque tu cuisines et que tu fais de la soupe, ajoute de l'eau afin d'en offrir à tes voisins. Il ne faut rien négliger. Un fruit, un légume, une boisson, transmets cela à tes voisins et tu auras l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et pour finir, un des points les plus importants dans le voisinage, le fait de supporter les nuisances de nos voisins. Ça ne suffit pas d'être bienfaisant. Ça ne suffit pas de les toucher de notre bien. Ça ne suffit pas de les défendre, de les secourir. Il faut aussi patienter devant leurs erreurs et supporter leurs erreurs. Aussi, si la personne te vient après par la suite pour s'excuser, accepte ses excuses. Accepte ses excuses. Et parmi les plus grandes actions chez Allah, le fait de réconcilier entre tes voisins. Si tu entends qu'il y a une division, qu'il y a des fitaines, va voir ces gens-là et réconcilie. Et efforce-toi de les réconcilier et n'ajoute pas des problèmes à leurs problèmes, mais éteins-les et sois un noble conseiller. Pardonne lorsqu'ils te font du mal, donne lorsqu'ils te retirent et t'interdisent leurs bienfaits. Toi, dépense à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خير الأصحاب عند الله خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجار أو خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الإمام البخاري nous cite dans l'adab al-mufrad رحمه الله تعالى que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des compagnons est celui qui est le mieux avec son compagnon, avec son ami, et le meilleur des voisins est celui qui est le mieux envers son voisin, et ceci fait partie du bonheur et des grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal que d'avoir un bon voisin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit plusieurs choses font partie du bonheur ici, et il nous cite quoi? Il nous cite un bon voisin, un voisin pieux, et il cherchait refuge auprès d'Allah contre un mauvais voisin. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana ila al-qiyam bihaqq al-jar. Nas'alullaha Azza wa Jal أيحفظنا من كل سوء ومن جار السوء. اللهم احي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا أرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارض المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لعبد السلام سويدي. اللهم اغفر لعبد السلام سويدي. اللهم اغفر لموتانا وارض المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا. اللهم اغفر لأمهاتنا واغفر لآبائنا. والله أعلم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.